c'est mon dialogue. Avec la machine, et c'est terriblement ordinaire. C'est mon dialogue avec la machine. Et maintenant, ce qu'on entend, c'est le dernier mouvement. Look, la machine est là, line immobile, elle attend. Cool, étalée devant moi. In, j'appuie sur le bouton on, elle clignote à fond. Look, la machine est là, line immobile, elle attend. Cool, étalée devant moi. In, j'appuie sur le bouton on, elle clignote à fond. J'ouvre ma boîte à rythme et je sors ma grosse caisse pour l'introduire entre ses baffes. Fesse, fesse, fesse, baffe, bilou, bilou, fesse, baffe, bilou, bilou, bilou, fesse, baffe, fesse, fesse, bilou, fesse, baffe. Ma caisse est grosse et bien roulée. L'amplitude de wave est bien modulée. Sa courbe enveloppe est à son max. Je cherche une poutre du bout de mon jack. Je l'enfile dans son bypass. L'entrée de son filtre est branchée sous fonction. Elle contrôle sa balance et le beat de son speed. Elle sélecte ses keys et resserre sa bande passante. Elle abaisse son panel et relève ses curseurs. Elle retrouve son pitch et appuie sur run. Oh oui, enfin. Ça module comme l'enfer à travers son data transfert. Je contrôle mon pattern, fais vibrer son mishpout. Je soulève mon patch, j'écarte son display et j'enfonce mon delay. Waouh! Je tourne mon cartridge, je repousse son delay, je retire mon patch, elle resserre son breakpoint. Je réinjecte mon pattern pendant que relève son display. Are you sure? Yeah! Are you really sure? Yeah! Je patch son display avec le pattern et ça produit un effet larsen. Elle tourne son delay autour de mon cartridge, ça switch en modulation sensitive. Mon séquenceur étant fiché dans son basique, ça mémorise en modulation de fréquence. Mon algorithme est amplifié, ça sature dans la pédance. Elle inverse son enveloppe, elle retourne ses keyboards. Les keyboards qu'elle a, waouh. Ça module comme l'enfer à travers mon data transfert. Tableau est allumé, je veux me brancher en Y. Are you sure? Yeah. Are you really sure? Yeah. Je me branche en Y. Je m'éclate le voltage. Je veux ajouter du repeat. Are you sure? Yeah. Are you really sure? Yeah. Ça repeat. Son LFO est ouvert. Je veux balancer le wave. Are you sure? Yeah. Are you really sure? Yeah. Je veux boucler mon tuning. Record. Mode. Je stop. Are you sure? Yeah. Are you really sure? Yeah. Fonction. Select. Input. Power. Voltage. Control. Are you sure? Yeah. Are you really sure? Yeah. Power. Input. Select. Sure. Are you? Voltage. Input. Select. Fonction. Select. Voltage. Control. Ah. Je contrôle plus rien. Mon patch, je fitch, je switch, paddle. Je contrôle plus rien. Mon patch, je fitch, je switch, paddle. Je break, follow, c'est fou.